Ils sont déjà loin. On n'aperçoit plus les chevaux. Seigneur, nous allons maintenant te délier. Oh, Sanae, tu ne te souviens plus. Tu as tout oublié. Que t'ai-je dit? Souvenez-vous, je suis la cible. Où est mon arc? Nous t'avons sauvé. Nous t'avons sauvé, Seigneur. Quand tu mourais, étouffé sous l'or et les fleurs, nous t'avons soustrait et caché, et le mort Nadès fait toujours ton envie. Nous t'aimons, Seigneur, et tu es le Dieu de nos songes, et le songe de nos jeunesses. Écoute, écoute. Le soir tombe, le fleuve est proche, des rameurs sont prêts, tu trouveras des voiles. Oh, Sanae, comment peux-tu espérer de troubler mon âme si tu sais ce que j'aurais pu être? Un dieu prisonnier. Tendez, tendez vos arcs. Rien qu'un esclave dieu. Je meurs de ne pas mourir. Rien qu'un simulacre lointain. Mais si tu es sauf, si tu es libre, si tu es fort, si tu es pur avec tout ton visage divin tourné vers l'Orient, vers l'héritage de ton âme, vers l'héritage de ton Dieu, n'auras-tu pas une plus sainte guerre et une victoire plus grande que cette insatiable mort? Je meurs de ne pas mourir. César a dit, amenez-le au bois d'Apollon, liez-le au tronc du plus beau des lauriers, puis décochez contre son corps nu toutes vos flèches jusqu'à ce que vous vidiez les carquois, jusqu'à ce que son corps nu soit pareil au hérisson sauvage. Oui, Sanae. Oui, mes archers, c'est ce que je veux, ce sera beau. Et César a dit, ensuite, coupez sa belle chevelure et déposez-la sur l'autel en expiation. Coupez au laurier funeste un rameau flexible pour me l'apporter, pour que j'en fasse une couronne et que sous son ombre je pleure. Or, il suffit qu'on coupe une chevelure de femme et qu'on apporte à l'empereur le rameau de laurier. Je vais revivre, Sanae. J'atteste mon souffle et le ciel que je vais revivre. Car il est devin, l'empereur. Il a deviné. Oui, Sanae. Mais pour revivre, ô archer, il faut que je meure. Il faut que je meure. Ô aimé. Il faut que mon destin s'accomplisse, que des mains d'hommes me tuent. Seigneur. Vos mains. Ô aimé. Vos mains fraternelles. Nous brisons nos arcs. Tendez-les. Où est votre amour? Vous m'aimez? Vous brûlez de servir mes sorts? Et vous empêchez que mes sorts s'accomplissent? Que cet anneau de mon éternité se ferme? Vous m'aimez et vous n'exaltez pas mon mystère? Je vous dis que je vais revivre. N'ayez aucune crainte, en vérité, je vous le dis. Seigneur, nous allons donc tuer notre amour? Il faut que chacun tue son amour pour qu'il revive cette fois plus ardent. Oh, archer, si jamais vous m'aimâtes, que votre amour, je le connaisse encore, à mesure de fer, je vous le dis, celui qui plus profondément me blesse, plus profondément m'aime. Sanae, souviens-toi, souvenez-vous, élu d'Émèse, je vous avais commis cet arc où le fil de mon sang s'incruste de l'une à l'autre coche et lui. Voyez, je sens que dans la paume de ma main, le stigmate brûle, se rouvre et saigne. Je sens mon âme et l'arbre trembler jusqu'au bout des racines les plus cachées. Quelle épouvante te blanchit. Sanae, parle bas. Ce n'est pas l'épouvante. Parle bas. Pasteur, regarde. Où est-il? Quel pasteur? Il porte la brebis autour de son cou, sur ses épaules. Le vois-tu? Seigneur, quels sont tes rêves? Il n'est plus là. Sang commence à couler dans l'ombre qui croît des profondeurs, j'appelle votre amour, archer, des profondeurs, Des profondeurs, je vous appelle. Rapprochez-vous. La nuit tombe. Il faut qu'on mire de près pour frapper juste. Lequel voudrais-je encore élire d'entre vous ? Celui qui ajuste mieux que tout autre, le plus âpre de ses dards, et qui le décoche de telle force, qu'il blesse l'écorce de l'arbre, me perçant de toute la hampe. Celui-là, certes, je saurais qu'il m'aime à jamais. Sanae, tu as mon arc ? Viens, frère, presse-le sur ma bouche avant de le tendre, qu'il touche mes lèvres et mon âme. Viens, souviens-toi, souvenez-vous, l'arc figure la Trinité sainte, le fût est le Père, la corde est l'Esprit, la flèche empennée est le Fils qui donna son sang, et il n'y aura plus de tache, sauf la tache du sang tombée des mains et des pieds du Sauveur. Des profondeurs, j'appelle votre amour élu. Chaque flèche est pour le salut, afin que je puisse revivre. Ne tremblez pas, ne pleurez pas, mais soyez ivres de sang, comme dans les combats, visez de près. Je suis la cible des profondeurs, j'appelle votre amour terrible. Béni soit le premier, béni soit l'étoile première. Encore. Votre amour, comme sa poitrine se gonfle. Il respire, il soupire. Femme, il va revivre. Il nous l'a dit. Vous corps se détache, laissant tous les dards au tronc du laurier. Soulève le corps du chef sur l'effut des arcs détendus et croisés. On le porte ainsi sous les étoiles.